tout le monde, dis je vois. Dis je vois, dis je vois. Tout le monde, dis je vois. Dis je vois. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. Tout le monde, dis je vois. On se crache, marche dessus, on ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. Tout le monde, dis je vois. On se marche, crache dessus, ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Le monde, dis je vois. Qu'est-ce tu crois, n'a pas une vie de pacha. Malgré qu'elle soit pas chère, voleur, retailer, dealer. Tout le monde trouve sa place, tout le monde trouve son bonheur. Pour les bonhommes qui se lèvent pour partir au charbon de bonheur. Jamais de bonne humeur. Dehors, y'a toujours de sales rumeurs. Toujours un gars qui parle sur toi. Le monde de tu vois, prends pas avec toi. Fais pas d'affaires avec toi. Si tu manges plus que lui, se retourne contre toi. Le monde de tu vois, ne pardonne pas. Aujourd'hui, vous êtes bête, demain il reste que toi. La gloire, la vie de réussir dans ce domaine. Et pour demain, devine, nique sa mère. Demain, je prends le RAP, je vois déjà cette demain. Le monde de tu vois, veut sa part du butin. Des butins, trouve toujours quelqu'un à Hagar ou à buter. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. C'est le monde des tu vois. On se crache, marche dessus, on ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. C'est le monde des tu vois. On se marche, crache dessus, ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Pour faire du fric, fissa, fissa. On trafique ci et ça, même si c'est sale. Là où la classe couche avec la crasse. Le monde des Youvois veut sa liasse. La nuit, la rue et tout du bois. Y'a toujours de quoi t'arroser dans ça, tu vois. Caractère de bâtard, ça traîne en bâtard. Tu vois, à travers ma voix, le monde sont des Youvois à la recherche du bonheur. Le soir, tard ou le matin de bonheur. La misère est sentie comme une tumeur. Dans ce monde, tu vis ou tu meurs. Tant qu'il y aura des clients, il y aura de la matière, inspecteur. Là où les affaires se font calibrer. Le week-end, les Youvois veulent vibrer. La semaine, faire des billets au risque de se faire plier. Endormi par une société, la hurle les a réanimés. Prêt à manier les âmes annihilées. Un coupable, du biche pour un zéro. Personne ne se vous voit. Monte le son quand t'as tu vois. C'est le monde des Youvois. On se crache, marche dessus, on ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Personne ne se vous voit. Montre le son, on va tu vois. C'est le monde, dis tu vois. On se marche, crache dessus, ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. La terre terminée, terminée. Le sexe terminé. La voyou crassier maluné. Plumé, prêt à tuer pour se tuner. La réussite est un long, long tunnel. Plein d'obstacles comme dans ta ruelle. Une vie cruelle où les sentiments s'étouffent dans l'orgueil et l'oseille. Tous sont vite volés de ses propres ailes. Tout seul, on se démerde sans zèle. Ici c'est hoche contre un système qui t'amoche, qui te fauche. C'est moche, tu vois. Envie de remplir ses poches et celles de ses proches. Dans ce monde, pas de place pour l'échec ni tes reproches. La rue t'enfonce d'une main mais te sauve de l'autre. La rue t'a battu mais un jour elle t'a battu ou abattu par sa jalousie et sa traîtrise. Mais derrière, frère, faut que tu le maîtrises. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. C'est le monde des Youvois. On se crache, marche dessus, on ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Personne ne se vous voit. Monte le son dans ta turbo. C'est le monde des Youvois. On se marche, crache dessus, ne s'excuse pas. Une vie gangsta, qu'est-ce que t'as inspiré des USA. Qu'est-ce qui se rapiste de l'illicite. Qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous incite. Que je cite, dans la rue, y'a pas d'arbitre. Que les pas mort, grâce au calibre. Je veux pas la couronne, mais le titre.